sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Vous écoutez La Dernière Porte à Gauche. Bonjour et bienvenue à l'émission La Dernière Porte à Gauche. Je m'appelle Kiwan et puis comme d'habitude de maintenant, comme c'est la nouvelle habitude, les mardis à 17h, on va passer une heure ensemble pour entendre la meilleure musique francophone émergente, celle que vous êtes habitués d'entendre ici à C'est fou. Aujourd'hui à l'émission, il va y avoir entre autres particulièrement parmi les choses nouvelles, ce sera pas des nouveautés si exclusives en fait, parce que ça va être toutes des nouveautés, des albums qui sortent récemment, qui sont sortis ou qui vont sortir, mais que vous avez déjà entendu à quelque part ici. Si vous êtes des auditeurs fidèles de C'est fou, ça se peut que vous ayez déjà entendu quelques pièces parmi celles-là. Il va y avoir entre autres du nouveau Xavier Caffin, il va y avoir du nouveau Fred Fortin, il va y avoir du Navet Confit, il va y avoir des trucs un peu moins connus aussi, du Velours Passion, il va y avoir les Patates Impossibles. Ça fait longtemps que je veux en faire passer, les Patates Impossibles. Je pense que j'en ai déjà fait passer une pièce là, il y a très longtemps, qui venait d'un démo quelconque, je sais plus trop. En tout cas, je vous fais découvrir ça un petit peu plus tard dans l'émission. Il va y avoir aussi des trucs un petit peu plus connus. Il va y avoir entre autres du Bivouac avec une nouvelle pièce qui en est pas tout à fait une. On se reparle de Bivouac un peu plus tard, mais pour l'instant, on va commencer l'émission avec le groupe André qui n'existe plus en fait, mais on les aime quand même, André. On va écouter la pièce Xanax, c'est extrait de leur dernier album, Le Thé et la Justice de André. C'est à la dernière porte à gauche sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Seul coup contre un mur. C'est la pièce La Main du groupe Bivouac. Vous avez peut-être reconnu les paroles si vous les avez entendues comme faux. Le son est un petit peu feutré sur cet enregistrement-là, en fait, qui est directement extrait des internets. Mais c'est une nouvelle version d'une pièce qui se retrouvait déjà sur l'album Le Synopsis de notre histoire, l'album le plus complet du groupe Bivouac. Et puis, ça a eu certains changements au sein du groupe Bivouac. Au niveau de la formule du groupe, ce sera plus tout à fait pareil. Vous avez peut-être, si vous connaissez déjà Bivouac, vous avez peut-être remarqué que le son est un petit peu différent. C'est un petit peu plus minimaliste, un petit peu plus tranquille, mais ça reste quand même dans l'esprit de ce que faisait Bivouac, parce que Bivouac, c'est quand même à la base pas mal le travail de Jérôme Gagné qui est à la voix. C'est sa voix toute particulière qu'on entend, c'est la sienne, celle de Jérôme Gagné, puis c'est lui qui continue à travailler, à continuer à faire de la musique au sein de Bivouac, qui est quand même entouré de d'autres musiciens, d'anciens membres du groupe. Là, c'est juste que le groupe s'est modifié un peu. Et puis, il existe encore Bivouac. J'étais inquiet récemment, j'en faisais passer du Bivouac ici, une version studio de l'album Le Synopsis. Puis je me demandais justement si ça existait encore, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait de spectacle. Et puis, j'étais allé aux sources, et puis Jérôme lui-même m'a rassuré, le groupe existe encore, puis ils vont revenir éventuellement avec une autre formule. Ça va rester encore Bivouac, ça va rester encore ce son-là qui nous berce, mais un peu différent. Donc voilà pour Bivouac. On va continuer en musique tout de suite avec Carquois et la pièce À la chaîne. Vous êtes à la dernière porte à gauche, raison de C'est fou, 89.1 FM. Polype avec la pièce Presse Citron. C'est une pièce qui nous a fait découvrir Maxime Lemieux-Laramé dans l'émission Assemblage requis la semaine dernière dans sa chronique. Tous les jeudis, Maxime vient nous faire une sa chronique. Télécharge quoi? On nous fait découvrir des trucs intéressants. Et puis, je savais même pas que Polype avait un nouvel album en préparation. En fait, il est plus qu'en préparation. Il va sortir le 13 octobre prochain. C'est dans 2 semaines. Donc, l'album s'appelle Le Tropique du Cancer et la pièce Presse Citron est en écoute sur leur site MySpace qui est le www.myspace.com/polype avec un i. Donc, voilà pour un nouvel album de Polype. J'ai hâte d'entendre ça parce que c'est vraiment très bon, cette pièce-là, Presse Citron. Un petit peu plus concrète, je trouve, que ce qu'ils avaient fait avant avec leur EP, avec les pièces qu'on connaissait, là, Super Humain, puis... les d'autres pièces qui ont joué pas mal ici à C'est Fou, c'était un petit peu plus progressif, un petit peu moins concret là, je sais pas comment expliquer au juste, mais bon, c'est plus facile à écouter, en tout cas la nouvelle pièce Presse Citron rend plus accessible, un petit peu plus pop sans vraiment l'être là, je qualifierais pas ça de musique pop quand même, mais donc c'est ça, peut-être un petit peu plus fini, je dirais, la musique de Polype. On va continuer en musique tout de suite. On va continuer en musique avec un groupe qui s'appelle Velours Passion que j'ai vu en spectacle là, quand même assez longtemps. Il est en première partie du groupe Le Nom, que vous connaissez probablement, le groupe rock Le Nom. On va en entendre d'ailleurs Le Nom dans le prochain bloc. En fait, le lien entre les deux groupes, c'est qu'ils ont quelques musiciens en commun. Et puis, c'est ça, Velours Passion, comme ça, dans un spectacle du Nom que j'avais été voir, faisait la première partie. Ça m'avait pas tant flashé. À l'époque, ils faisaient de la musique en anglais. Faisait un genre de rock alternatif assez conventionnel qui n'avait pas trop retenu mon attention. Puis je suis allé faire un tour en surfant sur MySpace. Je suis allé faire un tour sur leur site MySpace Velours Passion. Et puis j'ai vu qu'il y avait des nouvelles compositions en français. Ça changeait un petit peu de style. C'est un petit rock qui tire un peu sur le swing, des fois un petit peu rock'n'roll. Et puis, je vais vous en faire écouter une pièce, mais juste avant ça, on va écouter une pièce du nouvel album de Fred Fortin. L'album s'appelle Plastrer la Lune. C'est disponible depuis aujourd'hui dans vos magasins. Et puis, la pièce qu'on va écouter s'appelle Mumu. C'est une pièce quand même assez rock sur l'album. C'est une de celles qui rock le plus, qui est quand même assez vivante. Donc, Mumu de Fred Fortin, ça va être suivi de Velours Passion. Vous êtes à la dernière porte à gauche, oui. Ma cabane est faite de riz et de prix fini. C'est Mumu, mon petit frère, qui un jour l'a bâti. Dans le simple but de se défoncer la tomate. À l'abri des chiens, des loups, des millions de primates. Complète cravate, et pour en fait être libre. Quand t'échappes la truie, tu te rends pas compte que c'est petit. C'est Mumu, mon petit frère, qui un jour l'a. S'être conché 4 à 5 à 6 gros pattes. La chaleur m'envahit et transpire comme de l'asphalte. Au soleil et en pays les l'Urpation avec la pièce Le Contre-coup. Vous pouvez visiter le www.myspace.com/velours avec un S, passion sans S. Pour plus d'informations, on va s'en aller en pause, mais restez là parce que de l'autre côté, le groupe Le Nom pour vous à la dernière porte à gauche. Mais celle est sale, elle portera ta misère comme un... Le métro du nouvel album Bushido de Xavier Caféine, c'est la pièce qui va être l'extrait radio. Donc vous allez la réentendre, c'est sûr, vous allez l'entendre un peu partout. J'espère que ça va avoir du succès, cette pièce-là. Vous l'avez déjà entendue ici aussi à l'émission Le métro. C'est la pièce qui ressemble le plus, je dirais, sur cet album-là à ce qu'il avait fait avant Xavier Caféine, qu'il avait fait avec son album Gisèle, qui datait quand même de 2005-2006, ça faisait un petit bout. Donc, en entendant cette pièce-là, je me demandais si le nouvel album Bushido serait dans ce style-là, dans le style de la pièce Métro, qui était donc assez semblable à celui de Gisèle. Puis même si ça avait été le cas, si tout l'album avait été dans ce style de rock-là, qui ressemblait à celui de Gisèle, je l'aurais aimé, c'est sûr, parce que moi, je trouve que c'est presque parfait comme son, ce rock-là que créé Xavier Caféine. Son son, je l'adore. Mais j'ai écouté le nouvel album et j'ai été agréablement surpris. Plus de nuances sur cet album-là, des textes un peu moins lourds, puis ça paraît aussi dans la musique. C'est plus de légèreté, je trouve, dans la musique, un petit peu plus de douceur. Et vraiment un très très bon album. Bushido, c'est en magasin depuis aujourd'hui. Maintenant, on va continuer en musique avec entre autres du Vanesse Pariétaire, aussi il va avoir dans le prochain bloc, il va avoir du Navet Confit. Il reste encore une bonne vingtaine de minutes à l'émission, mais on va commencer ça tout de suite avec Vanesse Pariétaire et la pièce Bois Vert. Et Vanesse Pariétaire vont être en entrevue et prestation lundi le 5 octobre, ici à C'est Fou. Manquez pas ça, pour l'instant on écoute la pièce Bois Vert de Vanesse Pariétaire.

toujours comme un con. Plastique, je vais pas poser un nouveau nez. Aussitôt l'opération terminée, je me sens toujours comme un con.